Alors Emmanuel Tixier, j'enseigne l'histoire médiévale, donc des joutes entre champions à Nanterre. Je vais pas être extrêmement longue dans la mesure où avec Jean-Louis nous formons un duo depuis maintenant quelques mois. Nos situations sont les mêmes puisque nous sommes censés rejoindre la même commu. Les discours qu'on nous oppose sont les mêmes. Et nos façons de résister sont également sensiblement les mêmes, si ce n'est qu'il y a des différences de situation. C'est-à-dire qu'à Paris 8, les choses ont l'air, ont eu l'air bien plus tôt que chez nous, extrêmement tendues, alors qu'à Paris-Ouest-Nanterre, pas que à Paris-Ouest, je dis toujours Paris-Ouest, Paris-Ouest-Nanterre, à Nanterre, il y a cette illusion qu'entretient le président Jean-François Balodé, que tout le monde est derrière lui et que tout le monde est d'accord avec la commune et que c'est une opportunité absolument fantastique pour l'université. Et donc, depuis quelques mois, tout notre travail consiste non seulement à informer les collègues, et quand je dis les collègues, ce sont aussi les personnels qui, à mon avis, font aussi partie de l'université que les enseignants-chercheurs. Depuis le XIIIe siècle, l'université, c'est la communauté des maîtres et des élèves, et pas que des maîtres. Quant au personnel, ils sont une part essentielle des gens qui viennent dans les assemblées générales, qui s'inquiètent, et ils seront les premiers concernés lorsqu'il faudra supprimer les doublons. Donc, je ne vois pas l'intérêt de diminuer leur place. Et donc, depuis quelques mois, il faut organiser cette opposition avec une situation complexe, c'est que des gens sont extrêmement informés sur les dangers que représente la commu, et d'autres n'ont jamais tout simplement entendu parler de la commu. Donc encore maintenant, on est dans un souci de pédagogie et d'information avec ces gouffres d'information qui fait qu'on peut tout à la fois avoir des discussions comme on l'a eu tout à l'heure et elle était tout à fait nécessaire sur les cavaliers législatifs et en même temps expliquer à d'autres que bah oui, dans un mois on est censé voter la commu, qu'est-ce que c'est que la commu. Donc c'est épuisant, chronophage, ça repose comme toujours sur peu de gens et je voudrais en profiter pour remercier ceux qui, même au-delà de Nanterre et de Paris 8, nous ont aidés à faire exister ce débat, notamment Christophe Pébart, Anne-Lise Neff, Bruno Andréotti, des gens qui, par-delà les clivages entre universités ou les barrières qu'on veut nous faire, enfin qu'on veut mettre entre nous, aident à ce qu'il y ait un débat au niveau national, au niveau de l'Île-de-France là-dessus. Et moi, pour le coup, je ne comprends strictement rien à la lecture de la loi. Et les interventions de Bruno ou Christophe nous permettent quand même de nourrir ce discours d'information. Donc, à Paris-Ouest-Nanterre, il a fallu informer et montrer, autant au CA dans lequel je siège que dans différentes assemblées, que nous n'étions absolument pas d'accord. Et le bel unanimisme de façade commence à s'effondrer et le président reconnaît qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui sont contre la commu. Les CA deviennent maintenant plus polémiques, voire plus violents, avec toujours néanmoins une volonté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de faire comme si ce n'était que des divergences sur des détails et que fondamentalement, comme nous étions tous au service de notre université, nous allions dans le même sens. On nous a même dit en bureau du CA que c'était grâce à toutes les critiques qu'on faisait sur la commu, que le débat avait avancé et que maintenant, on nous remerciait hein, littéralement, et que maintenant, justement, on est arrivé à cette formule de commu light. On a même eu une lettre de Jean-François Balodé du 19 mai dernier expliquant que c'était absolument fantastique, hein, que cette commu qui se présentait n'était pas du tout celle qui apparaissait en filigrane dans les lettres de la DGSIP et qu'au contraire, nous forgions quelque chose de nouveau, quelque chose de très démocratique. Et là, on est confronté à un problème, c'est-à-dire que l'argumentation de Balodé repose essentiellement sur des mensonges. Il n'y a pas d'autre mot, hein, On n'essaye pas de nous entortiller en jouant uniquement sur les mots, c'est des mensonges. C'est des mensonges auxquels il faut répondre point par point, hein, ce que nous avons fait. En sachant que quand on dit qu'il n'y a pas de compétences transférées, c'est faux, qu'une commu, c'est confédéral, c'est faux, qu'il y a un fonctionnement tout à fait démocratique, c'est complètement faux, que la commu protège du chef de file, ça c'est quand même absolument incroyable, que la commu protège du chef de file, et une négation totale de toutes les avancées faites au Sénat. On revient à une période avant les amendements du Sénat. Et c'est juste épuisant. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois redire les mêmes choses, s'inscrire en faux. Et qu'en face, il y a une pure mauvaise foi, on est complètement démunis. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On les regarde dans les yeux, on leur dit « vous êtes malhonnête ». Ou alors on dit « vous y croyez vous-même », et auquel cas c'est que vous êtes bête. Hein. Donc on hésite entre l'invective, l'injure, c'est assez compliqué. Du coup, l'une des façons quand même de faire exister ce débat, c'est que, à la base, je veux dire, dans les différentes UFR, l'émotion soit votée, et que de plus en plus de gens viennent se saisir de ce débat, interviennent et montrent leur défiance. Je voudrais terminer sur un dernier point. Ce qui me fait très, très, très peur, c'est que là, ça fait 3 mois, alors nous, hein, qu'on passe notre temps sur la commu, au lieu de faire nos tâches habituelles, mais que l'équipe présidentielle aussi, ça fait peut-être plus de 3 mois qu'ils travaillent là-dessus. Et là, on passe à la rentrée prochaine, l'OLM des 3. Rien, on est dans une situation mais d'incroyable pagaille, hein. Ni au niveau des UFR, ni au niveau des différents départements. On n'est pas du tout en ordre de marche pour la rentrée. Je ne sais même pas dans quelles conditions ça va se faire. Tout ça parce qu'on perd un temps, mais eux aussi, on perd un temps fou sur des débats là qui sont essentiels parce qu'il faut s'y opposer, mais qui compromettent complètement l'essentiel, qui est le fonctionnement de l'université, le fait qu'une une rentrée puisse se développer correctement, etc., en plein moment où on passe au LM de 3, et c'est totalement suicidaire. Et ça va dans le même sens, hein, c'est-à-dire qu'on agite un chiffon rouge devant leurs yeux comme devant les nôtres. Occupez-vous de ça. Hein. Et puis après, ben, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage, on montrera bien quand même, on aura beau jeu de montrer que les universités ne fonctionnent pas. Je vous remercie.